אוקיי, פוניק מגל. Du mat, putain, je me réveille en sueur devant cet écran que j'ai pas éteint et mettant sa douce lueur. Mes lunettes sur le zen, je peine à faire naufrage. Dans le flou, je guette à peine les personnages qui s'agitent derrière la vitre magique. Faut émerger du canapé, vite zapper Hit Machine, faire 4 pas jusqu'au frigo et 3 jusqu'à mes shots et ne pas se gourer en chemin au risque de pisser dans le yop. Et t'as vu, mec, je me sens mieux quand elle éclaire ma vie. C'est clair, je n'ai guère d'avis ni d'amis, mais quand même l'air ravi. Finalement, je me tiens à jour par biais des ondes hertziennes. Il me faut ma dose de faux spectacle et fournir mon père Jem. Je voulais dire à mon père, je t'aime, mais cette pute m'a bouffé mon temps. Télé de meilleur que se lève bien fuck, tu vas plus m'étouffer longtemps. Remballe tes constats alarmistes, islam ou monter des eaux. Dans nos crânes, c'est l'armix, c'est dans le monde, c'est le zoo. J'étais jeune et con, aujourd'hui je suis un peu moins jeune. Et curieusement, depuis que je t'ai éteint, je trouve la vie un peu moins chum. Avec hier en 16-9ème, tu m'auras bu, sale pute. Et à défaut de vivre 100 watts, dis-moi j'appuie sur mute. Je suis un cathodique, cathodique, anonyme, anonyme. Un cathodique, cathodique, anonyme, anonyme. Je suis un cathodique, cathodique, anonyme, anonyme. Je suis un cathodique anonyme. Jésus, Marie, Joseph, pardonnez-moi car j'ai péché. J'ai vu la vie de rêve, celle que vous avez prêchée. Mais il m'est venu cette idée de faire ma route sans vous. Et parce qu'atteint de ces idées, le monde sans doute s'en fout. Baptisé à 6 mois, tu vois, j'ai pas eu tellement le choix. Mais moi je crois que la foi des fois se noie quand elle prend froid. Au fond j'apprécie tes valeurs, l'appel, l'amour et le partage. Mais tes apôtres ont les leurs, la guerre, la mort et le carnage. Ah, j'oubliais, parlons même pas de pointeur. Les curés d'Irlande ont déjà explosé le compteur. Mais le sida tue encore, africain sort tes couverts. Chaque connerie coûtait un cent, ton pape serait à découvert. Réactionnaire, réactionnaire, l'emporte sur tes décisions. Tu veux bien faire mais confonds pas avortement et excision. Donc je m'écarte des tiens, trois cartésiens pour les trois quarts des siens. Rien ne m'écarte des miens, je suis bien, je suis mieux serein sans le regard des cieux. Un catholique, catholique, anonyme, anonyme. Un catholique, catholique, anonyme, anonyme. Je suis un catholique, catholique, anonyme. Le Seigneur est anonyme. Ouais ouais, je m'en vais, mais en attendant que le Seigneur se souvienne de moi. Je suis un catholique anonyme. Donc trouve-moi dans le 9-3, 18, 19 ou 20ème. Complètement foncé, pété, au coca Saint-James. Pas de soirée podéilleuse, à typo, TK 5 pèses. Les ambiances avec les potos, plus un, ouais c'est ça que j'aime. C'est beau sur un banc, ça parle, avec plein de gestes. Que des crevards en plan, que des couilles qu'on fanfesse. Ça vient de tout part, les uns du centre et certains de test. Une constante que faut y part, on est toujours en chien de caisse. Ça joue les shows, alors qu'en vrai, aucun ne pèse. L'alcool mauvaise peut tout niquer, les soirées ou les fans pèsent. Faut tout de suite comme une go en cloche, 4 fins de fraise. Bref, mise de race classique dans le 93. L'escalade ou la dalle de Pascal, bref, on fin de pèse. Se mettre à l'aise, se mettre un son et enfin se taise. Le veau sert ailleurs, noyé dans un bain de cesse. Et dans son coin, l'état fera tout pour que rien ne cesse. Je suis un alcoolique, alcoolique, anonyme, anonyme. Un alcoolique, alcoolique, anonyme, anonyme. Je suis un alcoolique, alcoolique, anonyme, anonyme. Je suis un alcoolique anonyme.